bulletin communautaire de CKRL. Recherche de bénévoles, levée de fonds et autres activités des différents organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale y sont mentionnées. Pour diffuser vos annonces dans le bulletin communautaire de CKRL, faites-nous parvenir vos communiqués à programmation@ckrl.qc.ca. Samedi 8 février 2014, c'est l'heure du grain de sable. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Donc cette semaine, nous poursuivons la chronique mensuelle de l'économiste Yannick Marcil, les utopies concrètes. De votre côté, Nicole, de quoi sera-t-il question? Je vais parler de... l'économie sociale, qui est une économie à visage plus humain, et en recevant deux entrepreneurs dans des jeunes coopératives de solidarité en deuxième partie et coopératives de travail en première partie. Excellent. Et du côté de l'agenda, Michael? Oui, bonjour. Surtout la journée d'études d'Attaque Québec, qu'on va plugger, comme on dit, qui est le 22 février, et quelques autres événements intéressants. Excellent, une émission bien remplie donc, mais d'abord, on va écouter un extrait de la chanson « Passé, dépassé » du groupe Mes aïeux. C'était le nouveau gadget, le jouet du jet set, la bébelle addictive, l'objet de convoitise. L'outil qui a changé la vie et sombré dans l'oubli. C'était l'affaire à voir, c'était le cover du voir, c'était à la fine pointe, plus pointu que la pointe. C'était cool et branché. L'événement de l'année et le boss fut zappé. C'est déjà du passé, dépassé, démodé. Des US surannés, passé date, rendu clavé. C'est capote, c'est kitten, c'est has-been, wannabe. C'est brûlé, révolu, c'est hard, on n'en parle plus, c'est fini. Classé, obsolète, périmé, c'est mort et enterré, j'étais la fleur de l'âme, j'étais à la page. Je dictais les tendances, j'inventais d'autres danses. J'étais maître du monde pendant 900 secondes, mais continue la ronde. Du passé, dépassé, démodé, des US surannés, passé date, rendu plat, je suis capote, je suis quétaine, je suis has-been, wannabe. Je suis brûlé, révolu, je suis hard, on n'en parle plus, je suis fini, je suis classé, obsolète, périmé, je suis un péril vivant avec mon cœur.

vers la recherche d'informations, de connaissances, etc. Donc, autrement dit, de ne pas s'engager dans des décisions simples et simplistes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais de s'engager dans un processus de réflexion beaucoup plus profond. Je vous parlerai dans la dernière chronique de la saison de décroissance, qui est un phénomène ou un concept relativement relié au développement durable, qui est un peu plus radical. Mais de s'engager dans cette réflexion sur la logique, si je peux, votre émission le fait là toutes les semaines, hein, sur la logique du capitalisme tel qu'on le connaît présentement, ça demande, comme citoyen, un exercice très exigeant qui ne se résume pas à un statut Facebook ou à un article de 500 mots. Hein? On doit se réunir pour réfléchir, apprendre et discuter de ces problèmes-là pour pouvoir en trouver des solutions plus étoffées et plus subtiles, en quelque sorte. OK. Puis, une des bonnes pistes pour cette réflexion-là, c'est le livre. Pouvez-vous nous rappeler le titre? Oui, je répète donc. Le titre est « Philosophie du développement durable ». Simplement, auprès des Affaires de France, de France d'Urbage. De France d'Urbage? D'Urbage, B-U-R-B-A-G-E. OK, donc on le mettra sur le site web pour que les auditeurs puissent aller le lire. Merci beaucoup Yannick Marcil. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous allez être présent à la journée d'études d'Attaque Québec à Montréal le 22 février prochain. Absolument, une belle journée d'études sur... En fait, qui pose une question. Sommes-nous après la crise économique de 2008 ou dans une crise permanente? Excellent. Donc, on invite les auditeurs à s'inscrire à cette journée d'études. Il y a une page Facebook, d'ailleurs. Donc, oui. Les auditeurs qui veulent en savoir plus en attendant peuvent se rendre sur votre site yannickmarcil.com. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. C'est maintenant le temps de l'éditorial de Claude Vaillancourt. Cette semaine, il nous entretient de l'ALENA, 20 ans plus tard. L'ALENA fête ses 20 ans cette année. Cet accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique est né dans la controverse. Rien ne semble réglé aujourd'hui. L'ALENA suscite toujours des réactions diamétralement opposées. Du côté droit, les élus des trois pays, les patrons et les grands médias ne cessent de louer les avantages de l'entente, une espèce de miracle économique permanent qui aurait multiplié les échanges commerciaux. On donne la parole à quelques entrepreneurs sauvés de la banqueroute grâce à l'ALENA. On lance des statistiques qui éblouissent, des échanges qui auraient quadruplé et qui se chiffreraient à 120 millions de dollars par heure entre les trois pays, etc., etc. On se dit que tout ça, c'est très bien, mais qu'il en faut encore davantage. Mais surtout, on se réjouit que l'ALENA n'a pas été la catastrophe annoncée par ses détracteurs. On prédisait la catastrophe, l'apocalypse, a-t-on entendu sur les ondes de Radio-Canada. On prédisait la fuite d'emplois vers le Mexique. Tout le monde s'est trompé. Il y avait des alarmistes il y a 20 ans. Ils soutenaient que nous allions perdre des millions d'emplois et bien plus encore, rien de cela n'est arrivé, a renchéri le ministre du Commerce international, Ed Fast, un peu porté sur l'exagération. Mais est-ce vraiment le cas? Du côté des opposants, le bilan de l'ALENA n'est pas très reluisant. Une baisse de la part des exportations canadiennes aux États-Unis de 19 à 14%. Une chute majeure du secteur manufacturier au Canada. Une concurrence marquée entre les travailleurs et les travailleuses qui a fait se dégrader les conditions de l'emploi dans les trois pays. Près d'un million d'emplois perdus alors qu'on nous en promettait 20 millions de nouveaux. Un plus grand contrôle des populations aux frontières et l'érection d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Des poursuites à répétition contre les gouvernements dans le cadre du chapitre 11 qui ont coûté 157 millions de dollars au Canada. Une population paysanne appauvrie et décimée au Mexique à cause des exportations de maïs subventionnées des États-Unis. Un salaire minimum réduit à 150 $ par mois au Mexique. Des femmes exploitées par un régime patriarcal dans les maquiladoras au Mexique. Des services publics et un filet social qui n'ont pas cessé de se détériorer. Une dégradation constante de l'environnement. Et j'en passe. Pas de quoi se vanter, donc. Pourtant, les partisans du libre-échange veulent avancer à l'aveugle dans leur course. L'ALENA ne suffit plus. Il faut un autre accord couvrant plus de secteurs et plus de pays. Le partenariat transpacifique entre les trois amigos de l'ALENA et 9 autres pays de la zone du Pacifique, sans oublier l'accord entre le Canada et l'Union européenne. On se lance donc tête baissée dans de nouvelles ententes sans considérer leurs effets sur le travail et l'emploi, sur l'environnement, sur les services publics, sans faire de bilan sur les ententes conclues. Propulsé par une foi aveugle en lui, le libre-échange porte cependant de plus en plus mal son nom. Libre-échange pour les riches, pour les grandes corporations, qui peuvent en effet échanger comme elles le veulent, sans se préoccuper des autres, en bloquant la liberté et les échanges des autres, en contrôlant le prix des médicaments par exemple, ou en voulant limiter la liberté sur Internet. L'ALENA, un sujet, donc, qui suscite des points de vue très opposés, un accord glorieux pour le 1% des plus riches, plutôt désastreux pour les autres. On revient donc toujours à cette division, ce qui ne semble pas près de changer, hélas, avec tous les accords commerciaux, tous sur le même modèle, qui se négocient ou qui se concluent présentement. On vous revient après la pause avec Nicole Moreau et ses invités. 89.1. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Papa, on s'est démaquillé. On a mis du phare sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos jours. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. On a mis la mort à nos Papa, je te parle pas trop souvent. Je suis dans mes affaires, pis je cours tout le temps. Pis tu sais bien que je suis pas fort ces prières. Sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles. Pis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'à soir, j'ai le cœur dans bouteille. Pis le moton qui passe pas frein. C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver, pis que ben vite, ça va être le printemps. Le temps des sucres, l'ouverture de la pêche, pis que je me revois ticu, ça bâtisquant. Pogné d'un branche, pis toi qui me démêle, pis qui me remet un nouveau gréement. Une tape sur l'épaule, un brassage de tête, on était ben, ça bâtisquant. C'est plus pareil, oh non, c'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine, par en dedans, tout le temps. Papa, tu me disais souvent d'être à mon affaire, pis de prendre mon temps. Je me tire partout, j'ai la vie qui s'en mêle. Pogné des branches à tout bout de champ. Mais je me dis que si tu me checkes de ton perchoir, tu t'en fais pas trop, pis t'es confiant. Tu me tapes sur l'épaule, tu me brasses la tête, comme tu faisais ça bâtisquant.

puis on a, en fond, on est 6 électriciens, électriciennes, puis on a un technicien en réseau qui fait du câble, puis Internet, ça, téléphone, téléphonie. Donc, vous avez des compétences autres aussi que celles d'électricité. Oui, c'est ça. Moi, j'ai aussi un deck en mécanique du bâtiment. OK. Ça peut donc être assez utile pour décrocher des contrats de différents types. Oui, c'est sûr que c'est pratique quand on a plusieurs atouts. Là, des fois, plusieurs cordes à son arc. C'est ça. Fait que les clients ont des fois des besoins qui sont assez différents. Puis des fois, juste de se trouver à une place, puis comme quelqu'un qui demande, ah ben finalement, faites-vous la téléphonie. Puis bon, ben oui, on a quelqu'un pour ça. Fait qu'on peut. On a du monde. Bon, alors c'est assez intéressant. Donc, 3 membres de l'équipe, puis des gens qui travaillent avec vous occasionnellement. Oui, est-ce effectivement. Ce n'est pas tout le monde qui travaille à temps plein. Comme il y a un employé qui, lui, va bientôt être appelé à devenir membre, lui, ça fait un peu plus d'un an qu'il travaille avec nous. Mais d'autres, ça va avec l'ouvrage, évidemment. Là, des fois, on a des baisses. Comme l'hiver, il y a moins de travail. Des en fois, construction, c'est jamais normal. C'est jamais régulier, oui. OK. Pour quelle raison vous avez choisi la formule coop de travail plutôt que le travail autonome, par exemple? Quels sont les avantages pour vous? Bien, premièrement, nous autres, on est habitués au milieu coopératif puis au mode d'organisation horizontal, autant par des groupes antipolitiques, des groupes politiques anti-autoritaires ou des milieux coopératifs plus traditionnels. Et puis, fait que ça allait de soi. Pas mal pour nous. On n'avait pas envie d'être boss. On n'avait pas envie d'avoir des boss. C'est ce qui a donné l'idée. Puis aussi, on voulait se partager les tâches de travail. Quand on est tout seul, c'est beaucoup de gestion d'avoir une entreprise. Fait que là, ben, à gang, on pouvait se partager ça. Donc, un esprit de collaboration. Absolument. Puis aussi, c'est ça, comme travailleur autonome, dans le milieu de la construction, en fait, c'est très normé. Fait que il a fallu devenir maître électricien et travailleur autonome, ça s'applique plus ou moins dans notre domaine, en tout cas à notre niveau. Ah, d'accord. Comme travailleur autonome, on n'a pas le droit de faire de l'électricité, ni de la plomberie d'ailleurs. Et aussi, comme travailleur autonome, on ne peut pas travailler dans le commercial ou dans l'industriel ou dans les gros blocs d'appartements. Fait que les travailleurs autonomes ne peuvent que travailler dans les maisons aux propriétaires occupants ou les condos. Ah, okay. Ça se limite à ça. Fait que puis de toute façon, comme ça ne s'applique pas en électricité, c'était juste impossible pour nous. OK. C'est une formule plus intéressante pour vous que la formule d'entreprise libérale, si on peut dire ouais, ça. Oui, absolument. OK. Je crois que vous faites affaire avec d'autres entreprises collectives, comme des coops d'habitation. C'est quoi les avantages que vous voyez à collaborer avec ce type d'organisation-là? Oui, ben les avantages, en fait, c'est que je pense que nous, on aime travailler ensemble en tant que membre. En tant que travailleur de la coopérative, mais je pense aussi faire, quand on travaille avec d'autres coopératives, c'est aussi faire des liens avec des gens qui nous ressemblent. Fait que ça nous plaît beaucoup. Il y a aussi, on veut encourager le mode coopératif, fait que on s'est donné aussi des rabais pour les entreprises, les coopératives avec qui prend de nos services. Là. Mm-hmm. On offre un rabais temps main-d'œuvre aux autres coopératives. C'est vraiment dans le but d'encourager l'intercoopération. Puis aussi, comme on travaille beaucoup avec une autre entreprise en construction qui est une coopérative, qui s'appelle Construction Ensemble. Les autres, ils ont plus de 25 ans à Québec. C'est plus des menuisiers, mais ils sont entrepreneurs généraux. Fait que les autres, ils gèrent des plus gros chantiers. Oui. Alors, c'est ça. Puis on fait affaire aussi avec la barberie puis avec d'autres coopératives. Fait que c'est vraiment cet esprit-là de développer l'intercoopération. D'accord. Alors, est-ce que coopération, votre entreprise redonne, je pense, une partie de vos profits pour soutenir le développement de certaines actions relatives à la communauté, par exemple? En fait, nous autres, ce qu'on a décidé, c'est de séparer nos profits en 3. Une fois les salaires versés, On sépare le tiers du profit retourne dans l'entreprise, un autre tiers est distribué aux membres par rapport au nombre d'heures travaillées, et l'autre tiers est réinjecté dans la communauté pour des projets qui nous tiennent à cœur. Par contre, là, on a 2 ans et demi, on n'a pas encore, avant de pouvoir, autant pour nous que pour la communauté, pouvoir utiliser ces profits, il faut d'abord qu'on ait un fonds de réserve suffisant dans l'entreprise pour pas que si on a moins de travail, ben qu'on fasse faillite finalement. Fait que ça nous prend quand même un fonds de réserve avant de pouvoir utiliser ces profits-là pour nous comme pour la communauté. D'accord, ce qui est assez normal. Mm-hmm. Il faut quand même survivre avant de donner à la communauté. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, de ce qui a été fait avec une partie de vos profits qui a été redonnée à la communauté? Ben, comme je vous dis, c'est pas encore arrivé, okay. Parce qu'on n'a pas encore pu... OK, c'est dans vos objectifs. C'est ça, c'est exactement. Je veux dire, on n'a pas pu... en ce moment, il y a juste nos salaires qu'on se verse. Puis ça s'arrête là pour l'instant. Mm-hmm. Les profits qu'on a fait de la dernière année ont... finalement, ben en fait, on n'y a comme pas accès parce qu'il faut avoir notre fonds de roulement, mm-hmm, tout simplement. D'accord. Puis aussi pour renouveler vos équipements, j'imagine que quand on travaille, des fois, les équipements doivent être renouvelés. Oui, bien sûr. Il y a toujours des accidents possibles. Pour finir, peut-être, d'après ce que vous nous racontiez, vous êtes la seule coop de travail d'électricien au Québec. C'est quoi vos projets d'avenir? Oui, c'est ça. Ben, à notre connaissance, après une vaste recherche sur Google. Là. Mais oui, non pas. Ben, c'est sûr que là, on a juste 2 ans et demi, fait que on a encore beaucoup de chemin devant nous là à faire. Mais c'est ça. Nous, on veut avoir un local, un entrepôt là dans un avenir très rapproché. Là, ça c'est notre but. Puis avoir des employés de bureau, puis. On aimerait aussi aller vers d'autres avenues parce qu'on fait beaucoup de résidentiel de rénovation, du côté de rénovation. Fait que peut-être aller voir dans d'autres sphères de la construction là, au niveau de l'électricité. Aussi, on a un intérêt de recherche et développement. On a vraiment hâte d'avoir un entrepôt pour pouvoir commencer à faire des expériences puis pouvoir taponner un petit peu là, comme autant essayer de développer d'autres types d'énergie que de monter des éoliennes ou des panneaux solaires ou des trucs de même. Ça, c'est des choses qui... La géothermie aussi? Oui. En fait, il n'y a pas de limite, en fait, là, mais tout ce qui peut être plus écologique ou consommer moins d'électricité puis être le plus... DIY possible, que les gens puissent DIY do it yourself, le plus autonome possible, okay. Que les gens puissent faire d'eux-mêmes aussi. Fait que c'est comme réussir à avoir une place qu'on puisse créer ou utiliser l'entrepôt pour faire différents projets de cet ordre. Est-ce que vous vous impliquez, par exemple, dans le réseau scolaire pour informer les jeunes qui seraient en cheminement de formation professionnelle? Non. Non, pas encore. OK. Ça pourrait peut-être éventuellement venir parce que vous êtes des modèles intéressants, je trouve. Ben merci. Oui, c'est gentil. Bien sûr qu'on a, présentement, on a beaucoup d'ouvrages. Fait que peut-être un jour, avec une base plus solide, là, ça va être facile à faire. Là. Ben, merci à vous. C'est merci. Moi qui vous remercie. C'était fort intéressant. Merci. Jeune entreprise Merci. Bonjour, M. Paquette. Bonjour. Alors, je vous présente Gabriel Paquette de la brasserie de Bellechasse qui vient de naître. Exactement. Il y a comme un bruit d'arrière-fond qui me dérange un petit peu, là. Ah, pourtant, je suis tout simplement dans la brasserie. Il n'y a aucun moteur qui fonctionne. Ah, d'accord. Alors, c'est pas le parasite. Alors, vous avez la responsabilité d'une microbrasserie dans le comté de Bellechasse et qui est ouverte depuis le mois de novembre, je pense. Exactement. Nous avons, on est une coopérative, hein, nous avons ouvert aux membres le 1er novembre et au grand public le 7 novembre. Alors, vous êtes une coopérative de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement? Exact. En fait, la coopérative de solidarité a plusieurs niveaux de membres. Alors, pas uniquement des membres travailleurs. Là. En fait, on est 7 membres travailleurs, 4 membres producteurs et des membres de soutien. C'est ce que nous permet de faire la coopérative de solidarité. Alors, j'imagine que tous les membres ont le droit de vote. Exactement, oui. D'accord. Alors, c'est quoi pour vous les avantages d'une telle formule? Ben évidemment, nous, en tant que travailleurs, ben, ça permet de tout être égaux un vis-à-vis de l'autre. Ça permet aussi de mettre d'avant, nous, sur notre menu, on met d'avant évidemment nos membres producteurs, là, une ferme de veau, une ferme de porc biologique, ensuite la fromagerie, puis une chèvrerie. Alors ça permet de les mettre d'avant, puis ils vont avoir évidemment une ristourne sur les ventes de leurs produits. Puis au niveau des membres de soutien, ben, c'est d'avoir le soutien de la communauté. Puis eux, ça leur permet d'avoir une appartenance, évidemment. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, si j'ai bien vu, là, votre entreprise, c'est le résultat d'une décision commune de 4 municipalités voisines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait et dans quel contexte cette initiative-là s'inscrit? Bon, en fait, c'est ça, c'est que les 4 villages, vous avez Saint-Léon, vous avez Saint-Nazaire, Bocklin et Saint-Philémon, ont décidé de se mettre ensemble et de créer ce qu'on appelle la contrée en montagne. Alors, c'est une gouvernance là, commune des 4 villages qui sont les plus dévitalisés de Bellechasse, où la démographie est en baisse et tout ça. Et moi, je me suis greffé dans certaines discussions, entre autres, là, sur l'agriculture. Et là, en fait, j'en ai parlé avec l'agent de développement rural. Je leur ai proposé, finalement, avec une microbrasserie, de pouvoir toucher plusieurs facettes là, qu'ils voulaient corriger dans la contrée. C'est-à-dire, une microbrasserie, ben, c'est touristique, ça fait la promotion des produits locaux. On pouvait toucher plusieurs facettes, finalement, qui étaient en problème ici. Et tout de suite, ben entre autres le CLD, là, ça l'a tout de suite allumé là, pour ici. Là. Dans le fond, c'est pas les villages qui ont parti à la microbrasserie, mais ça faisait partie de la réflexion et comme piste de solution, si on veut. Non, ben j'imagine qu'il y a quand même un appui des villages. Ah, c'est oui, c'est tout à fait ça, oui. Puis pas juste les 4 villages, hein. Dans nos membres de soutien, entre autres, là, on a beaucoup de maires de tout Bellechasse, là, des gens de tous les organismes. Là. C'est pas uniquement les 4 villages, là. Mais ça va les aider, c'est sûr. OK. Donc, votre projet s'inscrit dans un cadre plus vaste qui se veut de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Ben, en fait, la première facette, c'est au niveau des membres travailleurs. Hein, c'est créer de l'emploi dans des endroits comme ici. Moi, j'étais au chômage. On est plusieurs. Ben, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais c'est comme on a des gens qui sont retraités, qui cherchent un temps partiel, par exemple. Ben nous, ici, ben, le but, c'est de créer de l'emploi. Deuxièmement, c'est de mettre d'avant des produits. Un fret avec la ferme Andéline à Saint-Nazaire là, pour le porc biologique. Mais le grain aussi qu'on va faire transformer pour la bière. Évidemment, c'est de mettre d'avant tous ces trucs-là, puis de créer des partenariats aussi. Là. OK. Donc, le lien entre le social et l'économique. Exactement. OK, dans ce sens-là, et aussi une petite partie de d'environnemental ou d'écologique, dans le sens où c'est du porc bio qui doit pas avoir d'antibiotiques. Exactement, oui. Puis l'autre exemple que j'aime beaucoup, c'est le déchet de la brasserie. En fait, ce qu'on appelle les drèches, c'est les grains qui sont peu utilisés à la fin. Nous, on les donne ici à la fromagerie de Bocklin, qui est au village. Il les donne à ses chèvres, et nous, on a son fromage sur la carte du menu. Ah, d'accord. Okay, la boucle est bouclée, comme on dit. Quel est l'appui des diverses communautés de la MRC? Vraiment très, très bonne. Hein? C'est le CLD, je pense que sans eux, ça serait impossible. Ils sont vraiment très fiers de notre projet, puis ils nous ont beaucoup supportés. La SADC aussi. SADC, CLD, pouvez-vous nous dire c'est quoi? Oui, le CLD, ben, c'est le comité de développement local là, qui est ici à Saint-Lazare, qui s'occupe principalement de Bellechasse. La SADC, c'est aussi une société de développement qui, eux, s'occupent plus de Bellechasse et les autres chemins. Ça, c'est nos partenaires. La Caisse d'économie aussi solidaire, qui ont embarqué sans problème aussi. La Caisse d'économie solidaire de Québec? Exactement, oui. OK. Oui, Mathieu Boisvert, là, qui a vu notre projet et qui a beaucoup aimé. Qui on a d'autres. Ben, c'est ça, on a eu le fonds de diversification économique du gouvernement aussi. Parce que justement, on cadrait dans quelque chose qui n'existait pas dans le coin. OK. Est-ce que vous vous inscrivez comme initiative dans le cadre de la politique de développement des municipalités dévitalisées? Je ne sais pas si ça touche le fonds des économies sociales via le CLD, mais en tout cas. Oui, ça peut être ça aussi, là. Mm-hmm. Mais comme vous êtes des municipalités dévitalisées, d'habitude, les gens sont plutôt financièrement pas en grand moyen. Mm-hmm. J'ai vu qu'il y avait eu quand même pas mal d'appui de la communauté. Achat de boc à 80 $ pièce, c'est quand même un bon montant pour des gens qui sont pas riches. Ben, en fait, c'est des gens de tout Bellechasse, hein, et ainsi que cette diaspora, si j'aime le dire, là, des amis qui viennent ici, mais qui finalement sont à Québec, puis ils aiment bien venir ici. Beaucoup de gens viennent au massif, entre autres, hein, pour le parc et le centre de ski. Et ils savent bien que ça va bien ensemble, la microbrasserie, plein air et tout ça. OK. Donc, si je résume, vous avez eu des liens avec certaines entreprises collectives comme la Caisse d'économie solidaire. Oui. Mais à l'intérieur de votre fonctionnement, est-ce que vous en prévoyez pour avec d'autres types d'entreprises? Oui. Tout à fait. En fait, ici au village de Bakken, l'épicerie du village est aussi une coopérative qui est juste à côté de nous. En fait, on va créer une synergie. Lorsqu'on va prendre la bouteille, entre autres, là, ça va être notre dépôt. Mais aussi, tous les produits qu'on a besoin, la plupart du temps, on les prend à l'épicerie. Là, parce que c'est une coopérative. On crée aussi des liens avec les Frigos Pleins, qui est aussi une entreprise collective à Saint-Damien, qui fait de la préparation alimentaire. Fait que c'est un peu ça. Puis la fromagerie, ben c'est pas une coopérative comme telle, mais c'est une entreprise familiale qui est ici à Buckland. Donc, on aime bien créer des liens avec eux aussi. Bon, alors ça fait quand même plusieurs exemples de collaboration pour les villages et pour la MRC. Ça doit être un facteur intéressant. Mais est-ce que ça représente pour vous là est-ce que tout cela représente un facteur important dans le fonctionnement de l'entreprise? Ben, ça augmente l'appartenance. Les gens se rendent compte de tout ça. Quand on est isolé, les gens le savent. Puis lorsqu'on est ouvert sur les autres, les gens le sentent aussi. C'est pas c'est gagnant-gagnant. Bon. Et les jeunes fréquentent votre brasserie, j'imagine? Oui, oui. En Mais pas seulement les jeunes, un peu tout le monde dans les villages? Effectivement. Il n'y a pas de créneau comme tel au niveau de l'âge là, et du style. Nous, c'est 18 à 88. Il y a autant des amateurs de plein air, des motoneigistes. Mais merci beaucoup. Je m'excuse. Ben oui, c'est ben tout voilà. Le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. C'était fort intéressant comme initiative régionale. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup, Nicole, de nous avoir fait découvrir le milieu coopératif. Nous sommes maintenant déjà arrivés à l'agenda des activités progressistes de la semaine. Alors, bonjour, Michael. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Comme vous le savez peut-être, il y a une centaine d'événements par mois environ qui sont publiés sur le média réseauforum.org. Donc, à la radio, comme vous le savez, j'en présente 4 ou 5 seulement. Je vous recommande d'aller voir ça. Mais cette semaine, je vais mettre en vedette un événement qui a lieu à Montréal, par contre. Mais, si vous comprendrez, c'est que c'est les journées d'études d'Attaque Québec. Et cette émission provient d'Attaque Québec. Bien donc ça, c'est le samedi 22 février. Donc, si je me trompe pas, c'est dans 2 semaines. Le titre officiel, c'est « L'après-crise ou la crise permanente? » C'est une question. Et c'est surtout des ateliers participatifs. Donc, l'événement a lieu de 10h à 16h. Mais on va avoir comme invité Evelyne Couturier de l'IRIS, que vous connaissez peut-être, un groupe d'études, de, je dirais, socio-économiques à Montréal. Yannick Mercil, qu'on a entendu aujourd'hui, hein, économiste indépendant, c'est son titre. Éric Pinault, qui est professeur de sociologie à l'UQAM. Donc, tout ça, c'est pour un prix très modique, là. Quelqu'un qui est à faible revenu, par exemple, c'est 10 $, là. Ça inclut le lunch. Ça inclut aussi une édition spéciale du magazine À Bâbord, gratuitement. Donc, je vous rappelle, c'est samedi le 22 février, 10 à 16 heures, à l'UQAM. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez sur le site d'Attaque Québec. Maintenant, rapidement, ce mardi soir, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on a « Comment faire des valeurs des pays d'origine une richesse pour les valeurs québécoises ». Donc ça, c'est essentiellement une conférence qui visiblement va parler d'interculturel avec les personnes immigrantes. Donc ce mardi, Bibliothèque Gabriel-Leroy à 19 h. Du mercredi 12 février au vendredi 14 février, il y a des conférences de la semaine des sciences sociales, donc à l'Université Laval. Les thèmes, on a démocratie, médias, Marx et Hegel, principalement. Donc, allez voir sur Réseau Forum pour avoir tous les détails. On a plusieurs ateliers sur la hausse des loyers. Hein, c'est un peu la saison de la hausse des loyers qui commence. J'ai reçu la mienne. Et il y a des calculs officiels de la régie pour déterminer qu'est-ce qui est une hausse dite raisonnable. Il y a plusieurs ateliers qui se donnent. J'en nomme une. Il y en a une ce mercredi soir à 19 h au centre Lucien Borne. L'organisme qu'il donne s'appelle le BAI. Et pour conclure, ce vendredi et ce samedi, vous connaissez peut-être la revengeance des duchesses. Je sais pas, ça vous dit de quoi? Oui, j'ai entendu parler. Personnellement, je suis pas un grand fan des duchesses officielles et de tout ce qui est, je sais pas comment appeler ça, spectacle de beauté ou autre, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'appuie quand même la revengeance des duchesses. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Je vous nomme pas tous les détails, là, vous pouvez aller voir sur Internet. Et par contre, samedi, il y a une parade alternative, c'est-à-dire en plus la parade du carnaval, organisée par le qu'est-ce qu'il appelle le Off Carnaval. La revengeance des duchesses, mais il y a aussi Stop Oléoduc qui va manifester le soir là, derrière la parade du carnaval. Donc, vous pouvez aller voir tous les détails, les dates, les heures, les sites Internet et tout sur réseauforum.org. Excellent. Ben, merci beaucoup, Michael. Alors, c'est ainsi que s'achève l'émission, déjà. Donc, merci à Yannick Marcil. Merci également à Nicole Moreau et ses invités, Jean-Philippe Gagnon de la coopérative de travail d'électriciens courants alternatifs et Gabriel Paquet de la brasserie La Contrée en montagne dans Bellechasse. Et enfin, merci à Michael Lessard du réseau Forum social Québec-Chaudière-Appalaches. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1 et sur notre blog. Donc, www.legraindesableqc.wordpress.com où vous aurez les archives audio de cette émission. Nous avons une page Facebook. Vous pouvez taper Le Grain de Sable sur CKRL et aussi un compte Twitter, donc @graindesableqc. Vous pouvez réagir. Ça nous va nous faire plaisir de lire vos commentaires et d'interagir avec vous. Attaque Québec signifie Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Donc, on attend vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel legraindesableqc@commercialyahoo.com ou directement sur notre blog. Sur ce, on se retrouve samedi prochain à compter de 13 h pour une nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Demeurez avec nous pour l'émission qui suit, les Geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Je savais ce qui m'attend après le jour de mon enterrement. Si je savais quelle serait ma mission après le jour de ma disparition. Si je savais ce que les gens d'en bas pensaient de ce que j'ai pensé de tout bas. Je m'en irais marcher aux quatre vents. Je rejoindrais le ciel, oui, mais en attendant,

Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. CKRL présente du Fafon de Limoilou.